Alors, nous venons d'entrer dans le carême depuis mercredi. Le mot carême signifie 40 jours. Ces 40 jours qui évoquent de nombreux 40 jours dans la Bible, celui de Noé, entre autres, où il y a eu 40 jours de pluie, jour et nuit, pour purifier le peuple, mais aussi ces 40 jours, ou plutôt 40 années, qui ont permis à Dieu de libérer son peuple de la terre d'esclavage. Parce que le peuple était prisonnier en Égypte et il subissait de durs châtiments du maître des corvées et de Pharaon. Et finalement, le Seigneur a entendu le cri de son peuple. Et entendant le cri de son peuple, il a suscité Moïse. Il a dit, je t'envoie vers mon peuple, va le libérer. Et le Seigneur, à travers Moïse, a amorcé un chemin de libération pour son peuple et pour le conduire à la terre promise. Alors, ce temps de carême et tout temps de carême est un temps de libération. Nous avons choisi, avec l'équipe pastorale et les prêtres, de faire des prédications thématiques durant le temps du carême et où le fil conducteur sera vivre et mourir dans le Christ. À partir de l'épître de Paul, nous sommes appelés à vivre et mourir dans le Christ. Nous sommes appelés à retrouver une liberté de vie et nous sommes appelés à quitter nos terres d'esclavage et nos morts. Et nos morts. Nous sommes tous faits pour la vie et pourtant, très souvent, nous prenons diverses routes de mort, c'est-à-dire des routes qui, au lieu de nous construire, eh bien, nous blessent. Et c'est pas d'hier. On a entendu le texte de la Genèse. Genèse 3, où après les premiers chapitres, en chapitre 1 et 2, le Seigneur montre, on voit toute la beauté de la création, toutes ces créatures, ces êtres inanimés, ensuite ces êtres animés, et ensuite au sommet de cette création visible, eh bien l'homme et la femme posés devant Dieu, posés comme être à l'image de Dieu, être pour le don, être pour la communion. Et voici aujourd'hui qu'on entend que le tentateur s'approche, sous l'image ici du serpent, et il vient proposer d'autres routes que celles de Dieu pour le bonheur. Dieu propose une route pour le bonheur, et cette route qu'il proposait à l'homme et la femme, c'est d'être en communion profonde avec lui, d'être en communion profonde entre eux, d'être en communion profonde avec toute la création. Mais Dieu avait rappelé à l'homme, vous pouvez manger de tous ces fruits qui sont dans le jardin, mais il y a un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mangez pas. Le fruit est toxique, vous en mourriez. Cette mise en garde de Dieu n'est pas pour nous faire du mal, au contraire, elle est pour nous préserver de douleurs qu'on pourrait se faire. De la même façon qu'un parent ou qu'un botaniste qui marche dans la forêt, connaissant bien toutes les plantes, qui connaît les bons champignons et les champignons toxiques, qui dirait, ceux-là, tu peux en prendre, sont très bons, ceux-là, des bonnes petites recettes avec ceux-là dans ta petite sauce, avec du porc, merveilleux. L'autre, attention, toxique. Si tu en prends, tu auras mal au ventre, mal au cœur, tu pourrais même en mourir. Et donc, c'est dans ce sens, parce que Dieu nous aime, qu'il expose aussi nos limites. Le tentateur vient pour nous faire douter de la bienveillance du plan de Dieu, pour nous faire douter que ses limites sont bonnes. Et il nous propose d'autres routes pour être heureux. Et ici, justement, il dit à la femme, un premier mensonge. Dieu vous a dit que vous mangeriez d'aucun arbre, alors que c'est pas vrai. Dieu avait dit vous mangerez de tous les arbres, sauf celui de cet arbre du milieu. Et donc, le tentateur, il est très souvent appelé dans la Bible le père du mensonge. C'est-à-dire que souvent, il présente un visage séduisant, mais au fond, il y a un venin dans le fruit séduisant. Il y a un arrière-goût. Vous savez que, à certains, j'ai déjà parlé de faire l'exercice des joies. Je crois que Dieu nous veut heureux et nous conduit par nos joies profondes. Mais il nous invite à observer dans notre conscience, il y a des choses qui commencent, des choix qui commencent dans la joie, mais qui se terminent dans des arrière-goûts profonds. Et ces choix qui se terminent dans des arrière-goûts sont au fond souvent des chemins de mort. On s'est souvent trompé ou fait tromper et on est tombé dans le panneau. Alors ce soir, en plus, étant donné qu'on aborde des thèmes du carême, vivre et mourir dans le Christ, on a pensé aborder un sujet très délicat, très douloureux même pour notre société, et je sais pour certains peut-être parmi vous, en tout cas ça nous touche de près, à savoir la douleur des interruptions volontaires de grossesse, qu'on appelle aussi avortement. J'aborde avec beaucoup de délicatesse ce sujet parce que je sais que c'est un sujet souffrant, que c'est pas quelque chose de plaisant, ni pour la société, ni pour personne d'entre nous. Mais c'est un sujet qui reste important de se parler. Parce qu'au fond, il y a des sujets, vous savez, les tabous changent, mais il y a toujours des tabous. Et je pense que c'est un sujet tabou de notre temps. Est-ce que ces interruptions volontaires de grossesse sont un vrai chemin de bonheur, sans arrière-goût, ou s'il n'y a pas aussi un certain venin qui nous afflige, qui nous attriste? Et encore une fois, si j'aborde le sujet, ce n'est pas du tout pour lancer des pierres, pour juger, condamner des personnes, parce qu'encore une fois, les contextes sont souvent compliqués, douloureux. Et en même temps, Jésus est là et il vient, comme je l'ai dit, pour nous donner une liberté nouvelle. Il vient pour guérir nos blessures. Et parmi les blessures de notre temps, je crois que c'en est une réelle, et même une blessure de société. Comme je le disais au départ, Dieu a fait l'homme et la femme au sommet de la création, être image de la communion qu'il y a entre lui et nous, et entre la Trinité sainte en elle-même. Et on sait que oui, ça peut être beau et grand, l'amour entre un homme et une femme. Mais quelquefois aussi, on sait que cet amour tourne court au vinaigre, et au lieu de s'aimer, eh bien, on se tiraille, on se chicane, on se blesse, et puis parfois arrive justement une grossesse pas prévue qui nous attriste, qui nous blesse, qui nous fait paniquer même. Très souvent, ce que je constate, parce que je connais moi-même aussi plusieurs personnes qui ont vécu cette douleur d'une grossesse pas prévue, certains ont gardé l'enfant, d'autres non. Mais très souvent, il y a une douleur d'une réalité qu'on n'avait pas prévue et qui vient comme être annonciatrice de la fin du monde, comme si tout allait s'arrêter avec cette petite vie qui se présente là. Mais la vraie question, souvent, c'est que oui, peut-être qu'on a pris des fausses routes, on n'aurait peut-être pas dû se mettre dans une situation pour que ça arrive, mais qu'importe, l'heure n'est pas au jugement du passé, l'heure est à qu'est-ce qu'on fait maintenant. Encore une fois, Simone Pacaud, qui est une femme très intéressante, qui prêche de retraite, Elle donne 5 petites règles de vie très belles. Je vous donne les 2 premières. L'une des premières règles de vie qu'elle donne, c'est « Quoi qu'il arrive, peu importe la difficulté mortifère dans laquelle tu te trouves, rechoisis la vie. » Même si tu as hier choisi la mort, aujourd'hui rechoisis la vie. Et l'exemple qui nous est donné, c'est Jésus qui est placé dans un étau serré. Hein, tout le monde, à la fin de sa vie, l'entourera pour le crucifier. Et il aurait dû, même peut-être, selon les logiques humaines, être violent, choisir de se venger, etc. Mais même dans sa souffrance, dans son chemin de croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore choisi d'aimer. Il a encore choisi de se donner. Il a consolé les femmes sur son chemin. Il a consolé l'autre larron affligé sur la croix avec lui. Et il a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc le Christ nous enseigne que quoi qu'il arrive, quelle que soit la difficulté, rechoisis d'aimer. Rechoisis ta vocation fondamentale de faire le bien. Deuxième petite règle de vie, que mentionne Simone Paco, c'est « Tu n'es pas Dieu ». On ne peut pas tout faire sans se blesser. C'est la tentation originelle de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas nous qui pouvons définir ce qui est bon ou mal, ce qui nous blessera ou ce qui nous construira. Si je mets ma main dans le feu, assurément, elle va brûler. Il y a quelqu'un qui l'a vu dans la randonnée sauvage qu'on a fait avec les gars. Hein, il y en a un qui a mis... C'était de l'eau bouillante plutôt, ça fait le même effet. Hein? Sa main a chauffé, elle a brûlé. Il y a des règles de base biologiques, mais c'est pareil pour notre cœur, notre volonté. Il y a des choix, puisqu'on est fait pour aimer, lorsqu'on choisit de ne pas aimer ou de faire des choix de repliement ou de peur, ça nous blesse, comme ma main se détruit. Encore une fois, l'idée n'est pas de se blâmer, mais de dire comment ensemble cherchons-nous des solutions? Comment nous soutenons-nous ou comment soutenons-nous des personnes dans notre entourage qui vivent une telle détresse? Est-ce que nous sommes présents ou absents? Parce que très souvent, lorsque par exemple une jeune femme apprend le drame qu'elle a enceinte alors que ce n'était pas du tout prévu, eh bien, il y a quelque chose de tragique, c'est souvent la solitude. Elle porte un fardeau fort et seul, alors que ce n'est souvent pas juste. Et là, je nous adresse à nous, messieurs. Très souvent, une de nos tentations face aux choses difficiles, eh bien, c'est la panique et la fuite. Et très souvent, dans ce domaine particulier, nous fuyons nos responsabilités. Encore une fois, la miséricorde est là pour tous, mais je nous invite à rechoisir de ne pas fuir lorsqu'il y a des choses difficiles à vivre. Et pareil pour les parents, pareil pour les amis, pareil pour les cousins, ou tous les proches, quand arrive quelque chose de difficile, sommes-nous là d'abord juste pour écouter le drame, sans jugement? Sommes-nous là ensuite pour prier avec la personne? Sommes-nous là pour dire, si je peux faire quelque chose, je vais être là pour t'aider? Encore une fois, le plus grand drame, souvent, c'est celui de la solitude. Et ici, je vais faire une confidence que j'ai pas souvent faite. Sur le lit de mort de ma maman, en fait, elle avait une grosse boule d'émotion, puis elle me dit, faut que je te dise quelque chose. Et en fait, elle m'a raconté comment, je suis le 3e de 3 enfants, et comment, en fait, après la deuxième grossesse, ça a été difficile et elle avait du mal à se relever. Je pense qu'elle a fait comme une petite dépression post-partum. Et ensuite, elle est tombée enceinte à nouveau. Et c'était pénible, c'était difficile. Et tout lui semblait une montagne. Et à mots couverts, j'ai cru comprendre, en fait, qu'elle a pensé avorter. En l'occurrence, c'était moi qui étais dans le ventre. Et, elle était toute bouleversée d'avoir pensé à cette pensée. Et évidemment, heureusement, je suis là. Donc, merci Seigneur, elle a eu du soutien. Et je crois que le soutien premier qu'elle a eu, c'est celui de mon père. D'ailleurs, mon père m'a donné le nom de son père, Alexandre. Je porte le nom de mon grand-père, qui était décédé jeune. Et la première personne qui a pu la soutenir, eh bien, c'est celui qui vivait concrètement avec. Ensuite, je sais que ses sœurs ont été là. Je sais que mes tantes, entre autres, l'ont soutenue dans les débuts. Parce que c'était difficile, concrètement, vraiment difficile. Et ce qu'elle me disait, en fait, toute bouleversée sur son lit de mort, c'est qu'elle a dit, aïe, aïe, aïe, comme ça aurait été dommage, comme ça aurait été triste, en fait. Parce que j'étais sur le point de devenir prêtre. Elle est morte juste avant que je sois prêtre. Et en fait, on avait une relation très belle et très forte. Et donc, tout ça pour dire, Dieu en trouve des solutions. Mais on a besoin de soutien pour les trouver, les solutions.